Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 22 novembre 2021. Voici les grands titres de cette grande édition de la mi-journée. Béatrice Signamoya, activiste dans la défense des droits des femmes, a été interpellée pour enquête, rassure le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Elle a été arrêtée la semaine dernière à l'aéroport international de Bujumbura. Les précisions dans ce journal. Environ 1500 ménages de trois collines de la commune Marangara en province Ngozi ont besoin d'une assistance urgente pour avoir été victimes d'intempéries ces derniers jours. L'administrateur de cette commune en appelle à la solidarité locale et demande aux populations de ne surtout pas déserter leur foyer. Il a tenu une réunion d'urgence ce dimanche. Dans ce journal également, on vous propose un reportage en province Chivitoke, précisément en commune Mourgui. Et ce sera pour évoquer la divergence de points de vue entre hommes et femmes sur les victimes de violences basées sur le genre. Et dans la chronique sportive, vous en saurez davantage sur le techball. C'est une discipline sportive inventée en Hongrie et introduite récemment au Burundi. C'était en 2018, voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, affirme être au courant de l'arrestation de la semaine dernière à l'aéroport international de Bujumbura de Béatrice Nyamoya, cette activiste burundaise dans la défense des droits des femmes. Sixte Vigny-Nimuraba, président de la CNIDH, fait savoir que sa famille a été mise au courant de cette interpellation faite pour des raisons d'enquête, dit-il, et que toute personne peut être arrêtée ou interrogée par les instances habilitées. Sixte Vigny-Nimuraba, joint tout à l'heure par Médard Niongourou. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est d'abord sa famille qui nous a contactés et nous avons mené nos enquêtes pour savoir qui l'avait arrêté. Et nous avons appris que la même famille avait été informée au moment de son arrestation et qu'ils savaient exactement qui venait de l'arrêter et que c'était pour des buts d'enquête. Tout pour Rwanda, chaque fois qu'il y a des enquêtes qui nécessitent des éclaircissements, peut être contacté et ou même arrêté pour pouvoir donner une clarification aux organes compétents. Et c'est pour cette raison qu'on dit que la famille a été informée de son arrestation et de qui venait l'arrêter, je pense que ça fera la peine qu'on attende le résultat des enquêtes parce que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ne peut pas se mêler des affaires policières ou judiciaires. Quel est le mode d'apaisement par rapport à son traitement, disons, là où elle est aujourd'hui? Et nous avons déjà informé la famille d'abord pour qu'ils sachent que ce n'est pas une disparition forcée, que c'est une arrestation pour des motifs d'enquête. Et je pense que ça suffit pour le moment. Et l'essentiel, c'est que les enquêtes continuent et soient impartiales pour que la justice soit faite. Sixte Vigny-Nimuraba, c'est le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Environ 1500 ménages des trois collines de la commune de Marangara en province Ngozi demandent assistance car leurs champs ont été fortement endommagés par des pluies mêlées de beaucoup de grêle tombées ces derniers jours. Dans une réunion d'urgence tenue ce dimanche par l'administrateur communal en vue d'éviter que ces populations désertent leur foyer, cette autorité en a appelé à la solidarité locale, donc de toutes les collines de cette commune, et demande le secours de tout bienfaiteur. Apollinaire Muzagara. Comme évoqué dans cette réunion, les collines où les cultures ont été sérieusement endommagées sont Wisiga, où 529 ménages ont été touchés, 459 à Rubaya et 451 à la colline Kirung. Les responsables administratifs des chefs de service de cette commune, en réunion, ont constaté que si rien n'est fait dans l'immédiat, la population touchée risque de quitter la commune vers un éventuel ailleurs meilleur, vu la situation dans laquelle elle se trouve pour le moment. Tous les champs d'eau, haricots, maïs, bananiers, manioc et autres ont été complètement détruits par ces pluies torrentielles accompagnées de vents violents et d'importantes quantités de grêle. Les autorités communales de Marangara invitent à cet effet les habitants d'autres collines à la solidarité collective. Correct Chimili Mahana, administrateur de Marangara, promet d'autres mesures urgentes pour que cette population reste chez elle. Et la perle de tout bienfaiteur, individus et même des associations et ONG partenaires en vue de sauver cette population en détresse. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Il est 13h à Bujumbura et sur Isanganiro. Cap Écoutez Isanganilo, écoutez la différence. Certains stands qui devaient être occupés par des échoppes et kiosques au marché de Kanyosha sont fermés. Les commerçants qui devaient y exercer leur commerce ont choisi de quitter le marché pour se diriger vers celui de Gissio. Gad Minani, représentant des commerçants à ce marché, dit qu'ils ne peuvent pas évoluer si ces marchés alentours fonctionnent toujours. Il demande aux responsables de la mairie de tout faire pour fermer ces marchés afin que celui de Kanyosha soit bien achalandé. Nous reviendrons sur cette information dans nos éditions ultérieures. Une fois n'est pas coutume, on passe à la chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. Je l'avais annoncé dans les titres, nous vous parlons d'une toute nouvelle discipline sportive ici au Burundi. Et c'est le tech-ball. Elle se joue sur une table incurvée avec toutes les parties du corps à l'exception des bras. Le secrétaire général de la Fédération burundaise de tech-ball dit que cette discipline inventée en Hongrie a été intégrée au Burundi en 2018. Vital Yamouremie explique que parmi les fautes à sanctionner lors du jeu, figure la double touche successive de la balle avec la même partie du corps. Les détails avec Omer Ndouayo. Ce jeu, qui s'apparente au football, se pratique sur une table de 3 mètres de long à 1 mètre et demi de large, explique Vital Yamouremie, secrétaire général de la Fédération de Techball au Burundi. Le Techball est une discipline sportive jouée sur une table longue de 3 mètres et large de 1,5 mètres. Elle ressemble à la table de tennis de table, sauf que la table de Techball est incurvée. Elle possède deux parties séparées par un filet en plastique. Le Techball a été introduit au Burundi en 2018 par l'organisation Puissant des Sports dans le cadre des Jeux d'amitié qui rassemblait les jeunes du Burundi, de la RDC et du Rwanda. Cette édition avait eu lieu au Burundi à Bujumbura. Puissant des Sports est l'un des partenaires de la Fédération internationale de Techball. La dénomination Techball renvoie à la forme de la table sur laquelle se joue le jeu, explique toujours Yamouremie. L'appellation de Techball est relative à l'appellation de la table elle-même. La table est dénommée selon la qualité. On a trois types de tables. La table de première qualité s'appelle Tech Smart. La qualité intermédiaire, c'est Tech One. Et la troisième qualité, c'est Tech Light. Toutes les parties du corps participent à ce jeu, à l'exception des bras. Vital Yamouremie, secrétaire général de la Fédération de Techball, dit que le joueur est autorisé de faire trois touches à la balle à l'aide de différentes parties du corps. Pour jouer au Techball, on joue avec toutes les parties du corps, à l'exception des bras et de la main. On a droit à faire trois touches, comme au volleyball, sauf qu'on ne peut pas toucher le ballon avec une même partie deux fois successives, ni renvoyer la balle deux fois successives avec la même partie du corps. On renvoie la balle du côté adverse, comme on le fait au tennis de table. Les footballeurs sont beaucoup à l'aise en jouant au Techball. Toucher la balle par les mains et faire l'obstacle pour empêcher le collègue de jouer sont entre autres fautes souvent commises. Les principales fautes sont, premièrement, on parle de double touch. Quand on touche le ballon deux fois successives avec la même partie du corps, on parle d'illégal attaque. Quand on dépasse la ligne médiane en renvoyant la balle, illégal return. Quand la balle ne passe pas au-dessus du filet et pendant le retour, non passe quand on joue en double ou qu'on retourne le ballon sans donner la passe à son coéquipier. Repeated return quand on retourne le ballon deux fois successives avec la même partie du corps. Handball quand on touche le ballon avec les mains. Touch opponent quand on fait obstruction à son adversaire en empêchant de jouer. Foot foot quand on piétine la ligne de service quand on fait du service. Touch table quand on touche la table. Sideboard quand le ballon touche le côté de la table et tombe par terre. Le jeu de Techball trouve son origine en Hongrie, était pratiqué au Burundi depuis 2018. Omer Ndouayo. Les femmes et les hommes de Mourgui en province Civitoke divergent sur les victimes de violences basées sur le genre. Les femmes trouvent qu'elles font toujours face à ces violences, tandis que les hommes regrettent que leur cas passe sous silence. Au niveau de l'institution de Bashinganaï en commune Mourguil, on affirme que toutes ces parties sont touchées par les violences basées sur le genre et que l'on essaie de prodiguer des conseils dans la communauté. C'est un reportage de Linibel Nibigira. Ces hommes de la commune Mourguil en province Chibitoke ne convergent pas avec les femmes en ce qui est des violences basées sur le genre. Cet homme regrette que visiblement, l'homme n'a aucun droit se basant sur la maltraitance qu'il a connue comme contenu dans son témoignage. Moi, je suis le premier à être malmené. Je viens de passer 5 ans en séparation forcée avec ma femme. En fait, nous n'avons pas fait bon ménage avec ma femme. Elle a amené d'autres enfants. Elle m'a menacé d'emprisonnement à Mimba si jamais je la touchais. Je l'ai supporté, puis je l'ai quitté pour prendre fuite. Sachez que les hommes semblent actuellement n'avoir aucun droit. Et notre homme trouve quant à lui que les droits de la femme sont privilégiés comparativement à ceux des hommes. Selon lui, les textes protégeant les hommes n'existent pas. Toutefois, cette femme dit que les femmes sont plutôt maltraitées de différentes manières, comme le concubinage, le passage à tabac et autres, sans aucune assistance. Le représentant de l'institution de Bashinganaï en commune de Mugui fait savoir que même si l'on essaie de réconcilier ces parties, les violences basées sur le genre s'observent chez les hommes comme chez les femmes. Ces hommes de la commune de Mugui en province Chibitoke demandent que les violences à leur encontre ne passent pas sous silence afin que le droit des hommes soit respecté comme il en est le cas chez les femmes. Eli Nibel Nibigira, on passe maintenant aux infrastructures. Eh bien, le gouvernement burundais devrait indemniser les victimes de démolition des constructions dites anarchiques. Gaspard Kobako, ancien ministre des Travaux publics, l'a dit aujourd'hui et il propose que ceux qui en ont été victimes injustement devraient être indemnisés. On l'écoute. En tant que quelqu'un qui a géré les travaux publics, je pense qu'en tenant compte de ces papiers, pour peu que ces papiers ont une valeur vérifiable et vérifiée, que les attributions ont été faites régulièrement par des instances habilitées, il va sans dire qu'ils doivent bénéficier d'une indemnisation, naturellement. Et l'État doit faire en sorte que les gens rentrent dans leurs droits, qu'ils soient indemnisés en bonne et due forme. Ils ne peuvent donc en être autrement. Donc, ils ont procédé à des attributions et à l'octroi des documents, des dossiers attribution aux bénéficiaires, naturellement, ce sont des agents de l'État. Donc, c'est par voie de conséquence l'État. Donc, c'est l'État qui doit donc écouter, c'est l'État qui doit supporter les frais pour que ces gens qui ont bénéficié de cette attribution l'ont fait dans les normes et dans l'égalité sans dépasser les bornes. Donc, c'est l'État qui doit naturellement faire face à tout cela en cherchant des moyens financiers pour indemniser ces bénéficiaires, pourvu qu'ils soient dans les normes, dans la légalité et qu'ils n'aient pas dépassé les bornes. Oui, on ne peut pas faire une distinction entre l'État et les agents de l'État. Si les agents de l'État, ça veut dire les cadres du ministère ayant les travaux publics dans ces attributions, n'ont pas eux-mêmes respecté les normes, naturellement, ils devraient être punis quelque part. Ils devraient en répondre devant l'autorité, témoins et la loi. Alors, si c'est passé selon les normes et selon la légalité, naturellement, que c'est l'État qui doit faire les frais suite à ces démolitions. Parce qu'ils ne pourraient pas fermer les yeux et l'État ne peut pas ne pas indemniser ces gens, même si ça prend du temps et nous recommandons que l'État fasse en sorte que ces indemnisations puissent être octroyées en bonne et due forme et en temps réel, c'est-à-dire sans que ces gens continuent à souffrir. Je pense que dans un avenir proche, c'est-à-dire dans les plus brefs délais, l'État devrait voter un budget au besoin, faire recours aux donateurs, aux bailleurs, pour pouvoir justement indemniser ces gens, humainement parlant, parce que ce ne sont pas eux qui doivent subir, parce qu'ils ont contacté des crédits envers les banques pour pouvoir construire, pourvu que ces constructions aient respecté les normes exigées par la loi et les normes. C'était Gaspard Kobako, il est ancien ministre en charge des travaux publics. Et en bref, pénurie d'eau potable dans plusieurs ménages, écoles et centres de santé au centre urbain de Kirimba et ses environs, en commune et province Bururi. Pour certains, c'est de cela depuis plusieurs jours, pour d'autres, depuis plusieurs mois et même des années, sans la moindre goutte d'eau potable dans leur robinet. Ceux qui se sont exprimés demandent à la régie communale de l'eau de Bururi de vider cette question. Emmanuel Mbonnet, responsable de cette régie communale de l'eau de Bururi, a dit à notre correspondant que son comité directeur va se réunir pour tenter de trouver une réponse à ce problème. Et dans le reste de l'actualité africaine, au Tchad, un collectif d'avocats porte plainte contre l'État. Il représente plusieurs centaines de ménages vivant en périphérie de la capitale, mais qui se retrouvent isolés par une tranchée de plusieurs mètres de profondeur qui entoure la capitale. Une tranchée creusée pour évacuer les eaux de pluie, selon les autorités. En 2008, après un assaut de rebelles contre la capitale, la tranchée avait été creusée une première fois pour verrouiller les accès à la capitale. Obligés de faire des grands détours pour accéder aux écoles, aux marchés et centres de santé, ces habitants de la capitale tchadienne réclament l'arrêt des travaux pour la partie où la tranchée n'a pas encore été creusée et des dédommagements pour le préjudice subi en termes de scolarisation des enfants et de soins de santé de la population. Et au Soudan, Abdallah Hamdok est de nouveau Premier ministre. Il a retrouvé ses fonctions hier suite à un accord signé avec le général Burhan, auteur du putsch du 25 octobre. Près d'un mois après le coup d'État, les deux hommes s'engagent à relancer la transition démocratique censée aboutir à un transfert de pouvoir au civil et à des élections. Mais le front anti-putsch rejette tout accord avec le général Burhan et n'entend pas baisser les bras. Il est 13h12 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Béatrice Signamoya, burundaise, activiste dans la défense des droits des femmes, a été interpellée pour enquête, comme le rassure le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Elle a été arrêtée la semaine dernière à l'aéroport international de Bujumbura. Et environ 1500 ménages de trois collines de la commune Marangara en province Ngozi ont besoin d'une assistance urgente pour avoir été victimes d'intempéries ces derniers jours. L'administrateur de cette commune, qui a tenu une réunion d'urgence, en appelle à la solidarité locale et demande aux populations de ne surtout pas déserter leur foyer. Dans ce journal, vous l'avez suivi, un reportage en province Tibitoke, en commune Murgui. Et c'était pour évoquer la divergence de point de vue entre les hommes et les femmes sur les victimes de violences basées sur le genre. Également dans ce journal, dans la chronique sportive, vous avez suivi d'autres éclairages sur le techball, une discipline sportive inventée en Hongrie et introduite récemment au Burundi en 2018. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il est 13h14 à Bujumbura. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Également, merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Au micro, Jean Bosco Douimana. Passez un très bon après-midi.